السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du samedi 3 ربيع الأول 1430 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 28 février 2009 بإذن الله عز وجل. Nous sommes avec l'Aqida al-Wasitiya au deuxième tome et au 33e cours bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ici dans un nouveau chapitre. Il a dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ » C'est-à-dire, ça donne en français, pour le groupe sauvé, la religion et la foi sont des paroles et des actes. Des paroles et des actes. قَوْلُ الْقَلْبِ وَالْلِسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَالْلِسَانِ وَالْجَوَارِحِ. Donc, la religion et la foi sont des paroles. Sont des paroles que formule le cœur et prononce la langue, et des actes aussi qui procède du cœur, de la langue et des membres. Ensuite, il a dit, alayhi rahmatullah, il a dit, wa anna al-iman yazid bi-ta'ati wa yanqus bil-ma'siyati. Et que la foi s'élève avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Maintenant, on va essayer d'expliquer tout cela bi-idhnillah azza wa jalla. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, va bien sûr expliquer, et moi je vais vous dire ce qu'il a expliqué en ajoutant certaines choses bi'idna azza wa jall. Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a commencé par donner le sens de la foi étymologiquement. Il a dit la plupart aktharu ahli al-ilm yaqulun inna al-iman fi al-lughah tasdiq. Il dit la plupart des savants disent que la foi étymologiquement, ils disent c'est la croyance. Il dit, mais en fait, ce n'est pas évident. Il dit, il faudrait, si je puis dire, corriger cela. Pourquoi ? Il a dit, ensuite il a commencé à expliquer, jusqu'à ce qu'il a, il a voulu dire que, il a dit, mais si on expliquait la foi en disant que c'est l'attestation, et clair, le fait d'attester avec le cœur, il a dit ce serait mieux. Pourquoi il a dit فَنَقُلْ iman ou l'iqrar, on va dire la foi, c'est l'attestation. وَلَا إِقْرَارِ إِلَّا بِتْصْدِقِ. Et il n'y a pas d'attestation s'il n'y a pas de croyance. Non, si quelqu'un ne croit pas une chose, il ne peut pas l'attester avec son cœur, ni même avec sa langue. C'est pour ça que j'ai dit, je redis toujours que quand vous avez par exemple cette possibilité, ou là nous on a cette possibilité par exemple d'assister à quelqu'un par exemple qui veut se reconvertir, qui veut rentrer en islam, ça ne suffit pas qu'il teste avec la langue et qu'il dise par exemple « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu » s'il n'atteste pas déjà ou avant cela avec le cœur. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, quand on est avec un reconverti, s'il veut convertir, il faut d'abord et avant tout qu'on lui explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah, ça veut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Que ce n'est pas une phrase que peut répéter, par exemple, un perroquet. Mais c'est une phrase dont on doit d'abord saisir le sens. Hein? Quels sont les sens qu'elle contient et qu'est-ce qu'elle implique, cette phrase. Ensuite, si on est convaincu du sens de cette phrase et de ce qu'elle implique, ce qu'elle va impliquer comme chose qu'on doit attester, comme chose qu'on doit faire, comme chose de lesquelles on doit s'éloigner comme ça, dans ce cas, bi'idhna azzawajal, dans ce cas, il devra dire « Ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu » Al-Muhim. Maintenant, ce qui nous intéresse, bi'idhna azzawajal, c'est quoi? C'est, yani, si je puis dire, c'est juridiquement et canoniquement, que veut dire la foi? Alors, Cheikh Islam l'a expliqué, قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Il a dit, c'est des paroles et des actes, ensuite il a dit, des paroles du cœur et des paroles de la langue. Et actes du cœur, de la langue et, si je puis dire, du corps. Toutes ces choses, bi'idhna azzawajal, on les a bien expliquées. On les a bien expliquées. Mais on va yani, faire une sorte de révision aujourd'hui pour essayer de réexpliquer un peu, réexpliquer un peu. Et peut-être que ceux qui n'ont jamais assisté à ces cours, peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, yani, c'est nouveau. Donc vous savez que la foi, yani, son explication ou son sens diffère d'une secte à l'autre. Aujourd'hui, nous, on apprend comment. Le sunna ou jama'a, comment les gens de la sunna et du consensus, yani, interprètent cette foi, comment qu'ils l'expliquent, pour ne pas tomber dans l'égarement des autres sectes. Par exemple, il y a des sectes qui disent que la foi, c'est seulement la croyance qui se trouve dans le cœur. Or ça, c'est une secte qui s'appelle Ash'arira, les Ash'arites. Naam. Et les Ash'arites rentrent dans les Mourjites. Mourjites, pourquoi? Parce que pour eux, c'est seulement yani, l'attestation qu'il y a dans le cœur, ou bien la croyance qu'il y a dans le cœur. Ensuite, plus égaré que de loin, il y a les Jahmi qui disent que la foi, c'est quoi? C'est seulement yani, reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala existe, dans le cœur toujours. Dans le cœur toujours. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Je disais que, naam, pour ne pas s'égarer, car il y a des sectes qui yani, donnent une explication de la foi, une explication fausse, fausse, comme les Jahmites et les Ash'arites qui disent que l'iman se trouve sur la foi, c'est seulement quelque chose qui est dans le cœur, et aussi par exemple les Karamites qui disent que la foi c'est seulement sur la langue, ce qu'il y a sur la langue, c'est ça la foi, si on dit Shahadun la ilaha illallah. Là, on est devenu croyant. Ce n'est pas intéressant ce qu'il y a dans le cœur. Bon, ceci, bien sûr, est archi faux. Sinon, tous les hypocrites seraient des musulmans. Et l'âme qui disent que yani, ça suffit que ça soit dans le cœur et sur la langue. Mais Al-Sunnah al-Jama'a disent plus que cela. Disent, comme vous l'avez entendu maintenant, comme l'a dit Cheikh l'Islam, disent que. La foi, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, ensuite, sur la langue, on le dit avec la langue, et ensuite, avec le corps aussi, le corps, c'est-à-dire que ce sont des actions qu'on fait, et ça s'élève et ça diminue, ça s'élève et ça diminue, bi'idhna azzawajal. On va essayer d'expliquer ça, inshallah ta'ala. Il a dit, وَهَذَا تَعْرِيفٌ مُجْمَلٌ فَصَّلَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب. Donc on a ici quoi? On a parole du cœur, parole de la langue. Tout ça c'est la quoi? Acte de la langue, acte du corps, le jawarih. Tout ça, c'est la foi. Non. Donc on commence par la foi, c'est. Il a commencé ici par Qawlul lisan, c'est-à-dire les paroles de la langue. Il a dit, ici c'est très clair. C'est-à-dire avec la langue, on doit dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Avec la langue. Non. Quant à Qawlul qalb, quant à la parole du cœur, c'est quoi? C'est C'est le fait de reconnaître, le fait de croire, le fait d'attester. Tout cela s'appelle quoi? S'appelle les paroles du cœur. Quant aux axes du cœur, c'est quoi? C'est quoi? Ça s'appelle les actes. Car le corps a quoi? A des paroles et a des actes. Comme la langue, elle a des paroles, elle a des actes. Les actes du cœur, les paroles du cœur, on les a vues, c'est la croyance, c'est l'attestation du cœur. Quant aux actes du cœur, c'est ce que fait le cœur, comme par exemple la crainte d'Allah, comme la sincérité, comme le tawakkul, comme yani, le fait d'avoir peur d'Allah. Ce sont des choses que fait le cœur. Ça s'appelle les actes du cœur. Quant aux actes du corps, le corps, y compris ce qu'a le corps, comme les mains, les pieds, les yeux, etc., il a dit, c'est clair. C'est clair, comme par exemple le ruku', c'est un acte du corps. Le sujoud, le fait de se lever, le fait de s'asseoir dans la salle, c'est ça la foi, بإذن الله عز وجل. فإن قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ Si quelqu'un va nous dire quelles sont les preuves que la foi يعني, doit englober tout cela. Pourquoi la foi ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans le cœur, comme disent les Jahmites et les Ash'arites? Pourquoi ce n'est pas seulement ce qu'il y a sur la langue, comme disent les Karamites? Pourquoi ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans le cœur et sur la langue, comme disent les Murji'a? Pourquoi ça doit englober tout cela? Il a dit, on va le répondre par les délits. La Sunna ou Jama'a te répondent par les délits. Ils ne te répondent pas par des choses qu'ils inventent d'eux-mêmes de leur tête. Voyez. Le délit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith que tout le monde connaît, il a dit, Al-Iman, la foi, an tu'mina billah. La foi, c'est de croire en Allah azza wa jal, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers. Au yawm al-akhir, au destin. Naam. Tout le monde connaît ce hadith. Ça, c'est quoi? Fahada, qawlul qalbi. Tout cela, ce qu'il y a dans ce hadith, c'est quoi? C'est les paroles du cœur. Ce sont les paroles du cœur. Fahada, qawlul qalbi. Naam. Ce ne sont pas les axes du cœur. Ce sont les paroles du cœur. Quand on vient de voir que le cœur a des paroles. Le cœur a des paroles et a des actes. On a dit que les paroles, c'était quoi? C'était les croyances qu'il a, hein, ce qu'il croyait. Donc, il a dit, c'est le hadith, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est les paroles du cœur. Quant à, quel est le délit que le cœur, à part qu'il a des paroles, il a aussi des actes. Quant au délit que le cœur a des actes, c'est ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi c'est quoi? Il a dit c'est yani entre 73 il a dit bid'u wa sab'una shu'ba. Il a dit c'est plus de 70 rameaux. Les savants disent plus de 73, entre 73 et 80, on dit bid'a. Hein? Et certains disent entre 3 et 9. Tayyib. Donc le messager d'Allah a dit que la foi, maintenant, il a expliqué la foi en disant, c'est 70 et quelques rameaux. A'laha, le plus élevé de ces rameaux, ou la ilaha illallah, c'est que tu dises la ilaha illallah. Wa adnaha, et le plus bas de ces rameaux, c'est d'éloigner, yani, l'adha an tariq, les choses qui font mal, etc., des éloigner de, du chemin, même de les éloigner. Des choses qui risquent de faire tomber une personne, risquent de lui faire mal. Si on enlève cette chose de la rue, du chemin, on l'éloigne, c'est un des rameaux de la foi. Non, ça, mais c'est le plus bas rameau. Donc le plus élevé rameau, c'est que tu dises la ilaha illallah. Le plus bas, c'est ce que tu fais en éloignant yani, des choses de la rue. Wal haya'u shu'batun min iman. Il a dit, et la pudeur est un rameau de la foi. Non. Donc tout cela, c'est pour montrer quoi? Pour montrer des actes du cœur. Des actes du cœur. Donc, la preuve que la foi touche le cœur, la langue et le corps, c'est ce hadith. Quand il a dit, la foi c'est 73, 73 ou plus de 70 rameaux, regardez ce qu'il a cité. Il a dit, le plus élevé c'est ilaha illallah. La foi touche quoi? Touche la langue. Tu dis la ilaha illallah. Ensuite, il a dit, tu éloignes des choses du chemin. Ça touche quoi? Ça touche le corps. Tu éloignes avec quoi? Avec ta main. Tu éloignes avec ta main. Donc, ça fait partie de la foi d'éloigner avec ta main quelque chose qui gêne. Ensuite, il a dit, ou la pudeur, c'est un rameau aussi. Et la pudeur se trouve où? Se trouve dans le cœur. C'est d'abord, pour qu'on soit pudique, il faut qu'il y ait cette pudeur pour qu'elle se trouve dans le cœur. Donc, vous voyez comment ce hadith, bi'idhni azza wa jal, englobe les trois choses. Touche la langue, touche le cœur et touche le corps. Bi'idhni azza wa jal. Il a dit, وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Qui sont des sectes innovatrices, bien sûr, non, innovatrices, et qui, bien sûr, ne sont pas d'accord avec un sunnah al-jama'a en ce qui concerne la foi. En ce qui concerne la foi, il a dit la première secte qu'on appelle les murji, murji'a, murji'a. Que disent ces murjites? Qu'est-ce qu'ils disent? إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من إيمان. Ils disent l'iman, c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur. Non. Et moi j'ajoute, les mourdites, dans les mourdites rentrent aussi ceux qui disent c'est seulement le cœur et la langue. Langue. Ils n'ajoutent pas le corps. El Mohem. Cheikh Lahmoud dit, c'est pour ça que ولهذا كان الإيمان عند هؤلاء لا يزيد ولا ينقص. C'est pour ça que ceux qui disent que la foi c'est seulement dans l'asharit, donc pour eux la foi jamais ni elle augmente ni elle diminue. Pourquoi? Parce que pour eux la foi c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur. Toi ce que tu ressens dans le cœur il ne diminue pas, il ne s'élève pas. Là il a dit tous les gens sont égaux dans ce qu'il y a dans le cœur. Il a dit pour eux, pour cette secte, celui qui passe la nuit à prier, non, à prier, c'est comme celui qui passe non, toute sa nuit, par exemple, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc toi, ce que tu fais comme salat, ce que tu fais comme yani, effort, ce que tu fais comme jeûne, ce que tu donnes comme aumône, tout ça, ça ne change rien pour eux. Et l'autre, tout ce qu'il fait comme haram, tout ce qu'il fait comme yani, désobéissance à Allah, tous les péchés ne changent rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. D'où vous voyez yani, vraiment que cette secte, les mourdites, qu'ils sont vraiment, vraiment dangereux. Pourquoi? Au point où il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui prie ou quelqu'un qui boit de l'alcool. Pourquoi? Les deux sont croyants, la croyance se trouve dans le cœur, c'est tout. Ils ne disent pas, se trouve aussi dans le corps, c'est-à-dire celui qui prie, ce n'est pas celui qui boit de l'alcool. Car prier, on prie avec le corps, on boit de l'alcool avec le corps, c'est-à-dire on prend avec sa main la bouteille, etc. Non. Il a dit, فَلَوْ وَجَدْنَا رَجُلًا يَزْنِي وَيَسْرِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَعْتَدِي عَلَى النَّاسِ وَرَجُلًا آخَرَ مُتَّقِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعِيدًا عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا لَكَانَ عِنْدَ الْمُرْجِئَةِ فِي الْإِيمَانِ وَالرَّجَاءِ سَوَا كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُعَذَّبْ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي مَدَى فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ. Il a dit donc, d'après les murjites, si on trouve quelqu'un en train de faire la zina, en train de voler, de faire du bien autre, qui craint Allah Azza wa Jal, tout le temps en train d'obéir à Allah Ta'ala, il a dit, pour les mourjites, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces deux personnes. Les deux ont la foi et la foi se trouve dans le cœur. Maintenant, la deuxième secte qui est à l'opposé de celle-là, la deuxième secte contient en elle-même deux sectes. Le deuxième groupe contient deux sectes. Les Khawarij, Naam, et les Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila. Les Kharijites et les Mu'tazila. Que disent ceux-là? Ils disent Inna al-a'mal dakhila fi musamma al-iman. Ils disent les actes, non seulement ça fait partie de la foi, mais yani, c'est l'essentiel ce qu'il y a dans la foi. Naam. C'est une condition de la foi. Ils disent et quiconque fait un grand péché, il est sorti de l'iman. C'est-à-dire, si quelqu'un boit de l'alcool, il est sorti de l'iman, il n'est plus croyant. Si quelqu'un fait la zina, il n'est plus croyant. Si quelqu'un vole, il n'est plus croyant. Et comme ça. Non. Comme ça, disent ceux-là. Avec la différence que les Khawarij disent il est kafir. Celui qui fait la zina, il est kafir. Celui qui boit de l'alcool, il est kafir. Celui qui fait la médisance, il est kafir. Celui qui vole, il est kafir. Et comme ça. Et ce sont les Khawarij. Et les Mu'tazila disent il n'est pas kafir, mais il est dans un statut au milieu. On ne peut pas dire de lui il est croyant, on ne peut pas dire de lui il est kafir. Il est dans un statut même au milieu. Donc, ce sont ces deux sectes, comme je viens de le montrer maintenant, même, qui yani, contredisent yani, la croyance de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Donc, vous voyez que Al-Sunna ou Al-Jama'a vient de dire que quoi? Vient de dire que la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a sur la langue, et ce qu'on fait aussi, les actes qu'on fait avec le corps, et que la foi s'élève et des fois, elle diminue. Non. Taïb, quels sont les délits? Les délits, par exemple, que la foi augmente et que aussi elle diminue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. À ceux qui ont cru, il leur a ajouté la foi, ou bien leur foi s'est élevée. Il a dit dans un autre verset, لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ. Et pour que les croyants, leur soit ajouté la foi. Leur foi s'ajoute, leur foi grandisse. Et comme ça, le Mudathir 31. Donc, c'est une preuve, un verset très clair, que la foi yani, grandit, s'élève et qu'elle diminue. Et le délil que la foi diminue, c'est le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Lorsqu'il a dit, en parlant des femmes, « Ma ra'aytu » من ناقصة عقل ودين اذهب للب الرجل الحزم من حدكنا. Il a dit, j'ai jamais vu yani celle, en parlant des femmes, qui ont moins d'esprit ou quelque chose comme ça, il a dit, comme la femme. On a dit pourquoi yani, il a dit, on lui a demandé pourquoi yani son din, le din de la femme, est plus faible. Il a dit, vous ne voyez pas que yani, elle reste un certain temps sans faire la prière et sans jeûner. Donc, c'est un délit que sa foi yani, baisse pendant cette période. Parce que comparé à celle ou à celui qui est en train de faire la prière, qui est en train de jeûner pendant cette période, hein, sa foi est faible. El-Mohim, tout le monde d'ailleurs, tout le monde sait en lui-même, il remarque en lui-même, que des fois il sent que sa foi a augmenté, mashallah, et des fois il sent que sa foi est faible. Lui-même, hein, personne, des fois quand tu rencontres la personne, salam alaikum, comment ça va, alhamdoulilah, tu dis, Allah, je sens que ma foi a faibli. Allah, je sens que ma foi. Tu sens en toi-même que ta foi est mashallah. Tu dis par exemple, cette semaine, je suis mashallah, tu dis à toi-même, je sens que je suis mashallah, j'aime lire le Coran, j'aime assister aux cours, j'aime aller rencontrer les frères, j'aime faire la da'wah, j'aime. Et des fois, hein, tu te sens faible, tu n'as plus envie d'écouter, ni d'ouvrir le Coran, ni d'aller à un cours, ni... Subhanallah l'adim. Ça arrive, comme j'ai dit, à tout le monde. Non. Quelles sont les causes qui font augmenter la foi? Cheikh Lahmou a cité quatre causes, il a dit. Il y a quatre causes aussi qui font augmenter la foi. La première, معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. طيب. Donc, la première chose بإذن الله عز وجل هو connaître الله عز وجل avec ses noms et avec quoi? Et avec ses attributs. Il a dit, plus on connaît الله تعالى avec ses noms, avec ses attributs, plus on sent que notre augmente. Naam. Plus la personne connaît Allah Ta'ala, plus sa foi augmente. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. Il a dit, إِكْرَانِ Allah Subhanahu wa Ta'ala, les savants. C'est-à-dire, seul, celui qui n'est pas savant ne le craint pas. Qu'est-ce que ça veut dire savant? Celui qui, yani, est savant, en telle et telle chose. C'est pas spécialement, il doit être savant en tout. Non, savant. Plus tu connais une chose, en Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut, un nom, plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose, tu voudrais la faire. Et voilà, en faisant des choses, tu sens. Et plus tu sais que c'est, par exemple, les haram, loin d'elle, pour le visage d'Allah, plus Allah ta'ala va remplir ton cœur de quoi? De lumière. Et donc tu vas sentir que ta foi va augmenter bi'idh azza wa jalla. Celui qui ne connaît pas Allah Ta'ala, mais qui l'adore parce qu'il a entendu les gens dire comme ça, ou bien parce qu'il a trouvé son père et sa mère qui faisaient cette chose, il l'a fait, sans délit, sans rien, celui-là bien sûr ne va pas sentir la saveur de la foi et la douceur de la foi. La deuxième cause qui fait augmenter la foi, النظر في آيات الله الكونية والشرعية. Il a dit, le fait de méditer les signes d'Allah Azza wa Jal. Et les signes d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux. Il y a les signes universels et les signes juridiques. Les signes universels, c'est le fait de voir autour de toi et de méditer. Naam. Le fait de méditer, par exemple, dans la nature, regarder les cieux, regarder les créatures, le fait de regarder les mers, les montagnes, les oiseaux, les personnes, le fait de se regarder soi-même, je regarde mes mains, mes ongles, subhanallah, mes cheveux, mes yeux, mes cils, mes sourcils, mes pieds, mes mains, subhanallah l'adhim, l'insan, s'il se médite déjà, il s'étonne. C'est-à-dire, sans parler de comment on est à l'intérieur de nous-mêmes, les intestins, le foie, des choses yani, qui c'est impossible yani, de les connaître par détail. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il nous pousse à méditer. Pourquoi on médite? Pour le connaître, pour l'aimer, pour savoir que c'est un puissant créateur, pour que notre foi augmente. Il a dit, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ne médite-t-il pas, ou là, ne médite Donc, pas sur les chameaux, comment ils ont été créés. Hein, quand tu vois un chameau devant toi, tu t'étonnes, mashallah. Quelle belle créature. Une créature merveilleuse comme celle-là, mashallah. Et il ne médite pas sur le ciel, comment il a été élevé, des cieux, sept cieux, un ciel. Ensuite, on traverse une durée de 500 années, il y a un deuxième ciel, un troisième ciel, un quatrième ciel, des ciels, sept cieux, l'un sur l'autre, sans pilier, ou du moins sans pilier visible. Comment ces ciels, ces cieux, afouan, tiennent, subhanallah al-azim, si ce n'est la puissance d'Allah Azza wa Jal. Nam. C'est ensuite il dit, wa ila al-jibali kayfa nusibat, et ils ne ont été élevés, comment ils ont été dressés des montagnes qui pèsent des tonnes, yani de sable et de cailloux, etc. Hein, qu'Allah Ta'ala a mis spécialement sur cette terre. Pourquoi? Pour qu'elle reste stable. Elle reste stable. Même le ballon, puisque la terre est ronde, si on va prendre un ballon et on va mettre des choses dessus qui bougent, comme nous nous bougeons sur la terre, le ballon va bouger. Même, va aller à droite, à gauche. Même, c'est difficile. Vous voyez quand on voit dans le cirque, un ours ou là marcher sur un grand ballon, vous voyez que c'est difficile. Là, il faut vraiment l'entraîner pour qu'il puisse tenir dessus. Non, le ballon va aller de tous les côtés. Allah Ta'ala a mis des montagnes, a créé des montagnes pour stabiliser la terre. Stabiliser la terre pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, il a dit, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et pourquoi la terre, comment elle a été nivelée? La terre, si on sort de l'orbite, on va voir que la terre n'est pas plate. Pas nivelé, on va voir que c'est une sorte de ballon. Nam. Et subhanallah al-azim, quand tu es dessus, nam, jamais ça te paraît qu'elle est en forme de ballon, plus ou moins un ballon. Mais elle te paraît plate, elle te paraît nivelée. Subhanallah al-azim, c'est déjà un des signes d'Allah. Un des signes, comment la chose est ronde et en même temps, quand tu es dessus, elle te paraît nivelée, elle te paraît plate. C'est Mu'jiza, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre comme ça, car si elle n'était pas plate, on ne pourrait pas marcher dessus, on ne pourrait pas rouler, on ne pourrait pas bâtir dessus. Hein? Mais Allah ta'ala l'a aplati alors qu'elle n'est pas plate, alors qu'elle est ronde. C'est un exemple où Allah ta'ala nous exhorte à méditer sur cet univers que notre foi augmente. J'ai dit, si on méditait seulement les fleurs qu'il y a, non, les fleurs qu'il y a, les différentes sortes de fleurs qu'il y a, non, dans une seule sorte, si on prenait par exemple les roses seulement, les roses, je ne sais pas combien qu'il y a de sortes. Les fleurs en général, ou les fleurs qu'on a vues, combien qu'il y a de fleurs qu'on n'a pas vues, qui existent quelque part au niveau de qu'on n'a pas vues. Laissez les poissons, laissez les sortes d'oiseaux, laissez les sortes seulement de perroquets, les sortes de perruches, les sortes de chardonnays, ça n'en finit pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans quoi? Dans le paradis. C'est pour ça que quand on voit par exemple un bel oiseau, un oiseau qu'on n'a presque jamais vu, une beauté fascinante, ça te pousse à dire quoi? Si cet oiseau est beau, comme ça, comment? C'est ça la question qu'on doit toujours se poser. Si cette chose, même qui a été créée, même c'est une création, elle est belle comme ça. Alors, comment on doit être le créateur? Car c'est impossible que la création soit plus belle que celui qui l'a créée. C'est impossible. Celui qui a créé, c'est le plus beau. Allah Jamil yuhibbu al-jamal. Allah subhanahu wa ta'ala est beau, il aime la beauté. C'est lui qui a mis cette beauté sur la terre. Pour que nous méditions, pas méditer, pour que notre foi augmente et reconnaître que cette créature a vraiment un créateur qui est beau et puissant. Non. Donc cela, j'ai dit deuxièmement, pour augmenter sa foi, il faut méditer dans les signes universels, et méditer aussi dans les signes juridiques. Les signes juridiques, c'est quoi? C'est tout ce que a fait Allah Ta'ala descendre dans, comme verset, comme commandement, et aussi ce que le messager d'Allah nous a commandé de faire. Donc tout ce que Allah Ta'ala a fait descendre comme verset, ce qui a rapport avec la sharia, si tu le méditais et tu avais un peu de science pour le comprendre, tu verrais que ce sont des choses yani, vraiment, vraiment, vraiment étonnantes. Étonnantes. Mais bien sûr, le kafir ou bien le soi-disant musulman, mais qui yani, accuse le Coran qu'il contient de la barbarie, etc. Bien sûr, celui-là, il sort facilement de l'islam en disant ces choses. Mais bien sûr, nous, on ne va pas sortir comme ça facilement. On va d'abord lui apprendre que ce n'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux, c'est toi qui n'as pas compris, etc. Toutes ces personnes qui disent des choses pareilles, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris vraiment. Tout verset, tout commandement qui vient d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui contient du bien. C'est quelque chose qui nous contient, même si ça nous paraît que ça contient du mal, mais les biens qu'elle contient sont beaucoup plus nombreux que le mal que ça contient. Naam. Et je disais les signes juridiques. Naam. C'est pour ça que, comment dire Allah Ta'ala, tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est sidq, c'est la vraie vérité. La vraie vérité, il n'y a aucun mensonge. Ou adla. Et ça, c'est la grande justice. Il n'y a jamais de tort dans le Coran. Jamais de tort. Même si Allah Ta'ala te dit, le voleur, il faut lui couper la main, il n'a jamais fait de tort. C'est un grand bien de couper la main au voleur s'il remplit les conditions. S'il est pubère. On ne va pas couper l'islam. L'islam ne coupe pas la main à un enfant qui n'est pas pubère, de 12 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, qui n'est pas encore pubère, s'il vole, par exemple. Ensuite, il faut qu'il vole plus de un quart, même de dinar en or. C'est pas il va voler un bonbon, on va lui couper la main. Il faut qu'il remplisse les conditions, il faut qu'il soit pas, et il soit conscient. C'est pas il a volé en étant somnambule. Il dormait, il s'est levé sans savoir, il a volé quelque chose, il a pris quelque chose. Ensuite, il faut, par exemple, que ce soit quelqu'un à qui on a donné le travail. C'est quelqu'un qui a gagné ce qui lui suffit. Et malgré cela, il veut voler. Et il vole. Celui-là, subhanallah al-azim, lui couper la main, c'est la grande sagesse. Car ne pas lui couper la main, qu'est-ce qui va se passer? On va l'emmener en prison. Un ressortir, il va revoler. Ensuite, la prison. Il va s'habituer à la prison, il va aimer la prison. Il y a des gens qui n'aiment pas être dans la rue. Les récidivistes qui sont rentrés 40, 50 fois en prison. Ils n'aiment pas dehors. Tu dis, moi j'aime la prison. Je voudrais vite faire quelque chose pour aller en prison. En prison, il y a tout. Il y a même la bière, il y a la drogue, il y a la cigarette. Il y a les hommes font des choses avec les hommes. Il y a tout ce que tu veux à l'intérieur de la prison pour quelqu'un qui est de ce genre. C'est pour ça que certains préfèrent la prison à dehors. Donc, à quoi ça sert maintenant si la prison ne joue aucun rôle? Mais, coupons-lui une fois la main et on va voir ce qui se passe s'il va y avoir des voleurs. On va voir s'il va y avoir un voleur. C'est pour ça que si vous allez lire l'histoire ensuite de Ali ibn Abi Talib, les quatre califes bien guidés qui ont gouverné pendant à peu près 40 ans, vous savez combien de mains ils ont coupé? Ils ont coupé 5 mains. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voleurs pendant 38 ans. Allahu Akbar. 5 voleurs pendant une quarantaine d'années. Où sont passés les voleurs? Le voleur, quand il sait qu'on va lui couper la main, il n'est pas fou de voler. Il voit comme ça une chaîne d'or devant lui, il ne la prend pas. S'il la prend, il la dépose au commissariat. Il sait qu'on va lui couper la main. Regardez l'islam, tu coupes la main à une personne et tout le monde sera, masha'Allah, yani, sans problème. Une seule main, on la coupe. Pourquoi? Il mérite, c'est un voleur. On lui a tout donné, mais il veut voler, il vole. Classe, on lui personne, subhanallah, personne ne te prend ta chose. Où tu vas, si quelque chose te tombe, tu vas au commissariat ou dans un endroit spécial, tu la retrouves là-bas, les objets trouvés. Alors, tu ne veux pas appliquer, tu crois que l'islam c'est la barbarie. L'islam, il aime couper les mains. L'islam aime le sang. L'islam aime amputer les bras des gens, les mains des gens. L'islam, c'est yani, la barbarie. Maintenant, tu vois comment vivent les gens. Hein, avec les vols, les meurtres, les viols, la drogue. Et ce qui se passe en Amérique ou là, en Europe, ou là, c'est connu par tout le monde. Non. Hadith, c'est la troisième chose qui t'aide à augmenter ta foi en regardant quoi? En méditant les versets, les signes universels et les signes juridiques d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants ont dit al-shar'u, en arabe ils disent al-shar'u la ya'ti bil-muhali. Écoutez bien, pour ceux qui sont talabat ou ilm, ils écrivent cette chose. Shar'u la ya'ti bil muhal. Innama ya'ti wa qad ya'ti bil muhal. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire jamais l'islam ne vient avec quelque chose d'impossible. Non, jamais l'islam ne vient, ne te demande de faire quelque chose d'impossible. Mais l'islam vient, les possibles que tu trouves, vient avec des choses étonnantes. Muhar, des choses qui vont te laisser perplexe parce que tu n'as pas cette science pour les comprendre. Mais, par contre, jamais l'islam, c'est pour toi, qui te dépasse, que tu ne peux pas faire, qui ne sont pas à ta portée. Jamais ça n'existe ça en islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamais Allah Ta'ala ne demande à une personne de faire une chose qu'elle ne peut pas faire. Non. Et la quatrième chose qui ajoute la foi, tarkul ma'siyati taqarrubin Allah Azza wa Jal. Fain al-insan izdadu bidalika iman billah Azza wa Jal. C'est de s'éloigner des péchés pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Je ne m'éloigne pas des péchés parce que je n'ai pas pu les faire. Non. Je ne bois pas l'alcool. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour boire. Je ne fais pas la zina. Pourquoi? Parce que je ne connais aucune femme. Non. Je ne vole pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la police. Ou là, il n'y a pas où voler. Non. Mais, quand tu délaisses ces choses pour le visage d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que si ce n'est pas haram, je les aime. J'aime même les faire. Mais Allah Ta'ala m'a interdit ces choses. Et moi, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un esclave, moi. Même je suis le serviteur de mon Seigneur. Mon Seigneur m'a interdit ces choses-là, donc je les délaisse pour son visage. Alors Allah Ta'ala va me donner deux choses. Il va me récompenser ici en m'augmentant ma foi. Et me récompenser là-bas en me donnant, yani, des milliers de fois, yani, des choses que je n'ai pas fait, que je n'ai pas faites ici dans cette vie. Toute chose que tu délaisses ici pour Allah, Allah Ta'ala va te la yani, remplacer en mille fois plus belle, mille fois plus chère, mille fois plus yani, magnifique. Je dis mille fois, peut-être 10 000 fois, peut-être 100 000 fois, et comme ça. Toute chose que tu délaisses ici pour Allah, en deux récompenses, ici et là-bas. Ici, il va augmenter ta foi, te faire descendre la sérénité dans ton cœur, la quiétude, le bonheur, sont toujours mashallah, et au point où ton entourage a beaucoup de choses que tu n'as pas. Ton entourage est riche. Ton entourage a la plus belle voiture, la plus belle maison. Toi, tu n'as pas ces choses et tu te sens plus heureux que ton entourage. Même ton entourage te dira, subhanallah, toi, tu n'as rien. Donc, tu vois toujours, toi, tu es joyeux, tu ris, tu souris, tu ne te plains jamais. Comment ça se passe? Non, ça s'appelle la foi. J'ai quelque chose dans le cœur qui est beaucoup, beaucoup plus cher que vous tous. Non. Et tout ce que vous avez, vous, si vous allez le vendre, ne peut jamais égaler ce que j'ai dans le cœur. Quelque chose qui s'appelle la foi. Quelque chose qui s'appelle la saveur de la foi. La saveur de la foi. C'est une chose du monde. Même si tu avais tout l'or du monde, tu ne peux pas l'acheter. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'as pas où l'acheter. Ça ne se trouve ni chez l'épicier, ni chez la pharmacie. C'est une chose qui se trouve seulement chez Allah Ta'ala et qu'il donne. Et qu'il donne spécialement comme récompense à ceux qui délaissent le haram pour son visage. Non. Si c'était moi, j'aurais fait cette chose. Qui des gens n'aime pas les plaisirs? Qui des gens n'aime les désirs? Qui des gens n'a pas des tentations? Qui des gens n'aime pas aller plaisanter, rire, faire tout ce qu'il veut? Mais ces choses-là, je les délaisse pour Allah Ta'ala qui m'a dit, si vraiment tu crois en moi, alors délaisse cette chose. Pour moi, Allah Ta'ala sait. Mais prouve à toi-même que tu es un vrai croyant en t'éloignant de ces choses. C'est pour ça que je dis, et ça c'est pour terminer, que celui qui n'est pas musulman, celui qui ne pratique pas, il se croit qu'il est vraiment intelligent. Parce qu'il a dit, le fait de méditer des signes d'Allah Azza wa Jalla sur les signes universels, je dis, ça compte pour une seule cause ou deux causes. C'est une seule cause. Non. La méditation des signes, et les signes se divisent en deux. Tout ça, c'est une cause. Non. Je disais que, par exemple, le kafir, ou bien celui qui n'applique pas, ou bien celui qui se permet tout, celui-là, il se croit. Il se croit qu'il est vraiment intelligent. Non. Il se dit, moi, Masha'Allah, moi je profite. Moi je profite de ma jeunesse. Demain je serai vieux. Je profite maintenant. Moi je fais tout. Non. Regarde l'autre miskin, le pauvre. Rien n'est permis pour lui. Ça c'est haram. Miskin, celui-là, il fait de la peine. Moi je profite de la vie. Moi je fais tout. On ne vit qu'une seule fois. Non. Mais en fin de compte, puis le pauvre, c'est vraiment cette personne. Le miskin. Pourquoi? Parce que cette personne ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Cette personne veut profiter, faire le maximum maintenant, quitte à quoi? À ne rien avoir demain. Demain, c'est l'éternel. Demain, c'est l'éternité. Demain, c'est le paradis. Demain, c'est des délices qui n'ont pas de fin. Non, c'est des fruits qui n'ont pas de fin. C'est des ruisseaux de vin. C'est des ruisseaux de lait. C'est des ruisseaux de miel. C'est les femmes les plus belles. C'est ceci. Demain, naam, c'est l'éternité. Et Allah Ta'ala t'a fait choisir. Il t'a dit, choisis entre les deux. Mais tu ne peux pas joindre les deux. Choisis. Tu as tout maintenant et rien demain. Ou bien tout demain. Et juste un peu, naam, ce qui te permet de vivre ici. Choisis entre les deux. Et chacun est libre de choisir. Le messager dans cette dunya, ce bas monde, c'est le paradis de qui? Le paradis du kafir, du mécréant. Naam? Et c'est la prison du croyant. Pourquoi c'est la prison? Car quand tu es en prison, tu es privé de beaucoup de choses. Naam? C'est pas toi qui décides. C'est ce qu'on te fait rentrer à l'intérieur que tu dois manger, ce qu'on te fait rentrer à l'intérieur avec lesquels tu dois t'habiller. Ce n'est pas toi qui choisis. Naam? Mais le kafir, le mécréant, ici, c'est son paradis. Il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que demain, il n'aura pas de paradis. Et toi, demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le paradis, et tu sors de ta prison pour aller au paradis, et lui, il sort de son paradis pour rentrer dans la prison de Jahannam, la prison de la Géhenne, la prison du grand feu qui ne se termine jamais. Donc, en fait, si on réfléchissait bien, c'est qui le plus intelligent? Non, pour avoir tout demain, ou bien c'est celui qui va tout prendre maintenant et se trouver à zéro demain. Demain, quand il rencontre Allah, il n'a rien et c'est l'enfer qui l'attend. C'est qui le plus intelligent? Le plus intelligent, c'est sûrement celui qui a délaissé quelque chose qui doit se terminer pour l'éternel et l'interminable. C'est celui-là le plus intelligent. C'est pas celui qui, par exemple, pour donner un exemple très simple, je vais donner un exemple très simple juste pour que vous compreniez. Je sais que vous avez compris, mais juste pour que vous compreniez. Si par exemple, deux personnes vont faire un voyage de 1000 km. Aux deux personnes, on va leur donner par exemple, disons, 10 000 euros. 10 000, 10 000 euros, ou les 1000, 1000 euros pour faire ce voyage. Non. L'une des personnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger cet argent dans les 10 premiers kilomètres. Elle va dire, elle va trouver, tous les idées, boire, elle va danser, elle va ceci. Non, 10 kilomètres, tout l'argent est parti. Mais l'autre, pendant ces 10 kilomètres, il n'a dépensé à fond que par exemple 30, 50, 100 euros, pas plus. Pourquoi? Il pense à ce qu'il attend. Il y a 900 et quelques kilomètres qui l'attendent. Il a laissé l'argent de côté et est arrivé à bon. Donc l'autre qui a tout dépensé pendant les 10 minutes et les 10 kilomètres, est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? C'est pas quelqu'un d'intelligent. Quoique, il va se saouler, il va danser, il va applaudir, il va dire je suis mashallah, je dépense beaucoup, je suis riche, je bois tout. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le lendemain, quand il va se réveiller, là, il va trouver qu'il reste 900 et quelques kilomètres et il n'a pas le viatique, il n'a pas le nécessaire pour faire ce voyage. Donc, ce n'est pas lui, c'est celui qui a l'argent pour faire le voyage et pour arriver là-bas et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de lui, bi'idnillahi azza wa jalla. Voilà ce que je devais dire pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Si j'ai dit juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit quelque chose de fou, ça vient de moi et de mon ignorance et du shaitan. Il est 22h10 chez moi, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, à 22h25 ou bien 30. Le temps, inshallah ta'ala, de manger quelque chose. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous laisse le micro pour mettre le Coran, bi'idhnillah ta'ala, ou quelque chose. Tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو سلمان. أبو سلمان حياك الله تفضل. شيخ، qu'en est-il d'une mère qui communique avec les djinns depuis des années? Elle a un comportement très méchant envers moi et mon mari, comme par exemple calomnier sur moi, faire de la médisance, et elle a réussi à ce que plus personne de ma famille me parle en leur disant des méchancetés sur moi, juste parce que je porte le hijab et que j'ai épousé un converti, et qu'elle aurait préféré un Marocain de Casablanca si possible, même s'il ne fait pas la salade. Que dois-je faire? Car elle a des comportements bizarres, j'ai l'impression que par moments, ce n'est plus elle qui me parle, mais des gènes, son visage devient noir, et même qu'une fois, elle s'est taillée les veines avec un couteau, et elle n'a pas eu une goutte de sang. A'udzubillah. Quel comportement dois-je adopter envers ces méchancetés? Est-ce à moi de faire le premier pas vers la réconciliation, bien que je ne sois pas fautive, à savoir que même si je reviens vers elle, ben elle ne s'arrêtera jamais. Elle va toujours juste pour me dire que j'ai pas réussi, que j'ai pas réussi ma vie et que j'aurais dû la suivre dans les sacrifices pour les djinns. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne me parle pas et moi non plus, car j'en ai marre de souffrir et je vous cache pas qu'un peu de distance fait beaucoup de bien à mon mari et moi. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Fadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. En fait, je n'avais pas entendu le début. Est-ce qu'elle parlait d'une sœur ou elle parlait de sa mère? Je n'ai pas entendu le début. Est-ce qu'elle parlait d'une sœur ou de sa mère? Sa mère. Allah, la réponse, inshallah ta'ala, La réponse, inshallah ta'ala, c'est que, comme elle a dit maintenant, de s'éloigner, ça fait un peu de bien, sans la quitter. Car en m'éloignant d'elle, je m'éloigne des péchés qu'elle fait et des problèmes qu'elle me fait. Mais sans la quitter, c'est-à-dire maintenant, c'est très facile, par exemple, de garder les liens en téléphonant. De faire une visite de courtoisie de temps en temps. Mais ce n'est pas obligé, par exemple, qu'elle aille assez souvent chez elle. Ensuite, qu'elle sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais triompher une personne de ce genre. Comme a dit Allah ta'ala, وَلَا يُفْلِعُ السَّحِرُ حَيْتُ أَتَى. Celui qui fait le sihr, celui qui fait les djinns, etc. C'est toujours lui le grand perdant, بِإِذْنَا عَزَوْجَ. Si jamais ma mère me dit pourquoi tu ne viens pas assez souvent, etc., la réponse est très simple. Je dis, moi, je suis devenu malade de ces choses-là. Moi, maintenant, yani, ce que tu fais avec les djinns, etc., ça a influé sur moi. Maintenant, même moi, yani, je ressens des choses, même moi j'ai mal, même moi ceci. C'est pour ça que, chère maman, je m'éloigne de toi. Je m'éloigne de toi, non pas à cause de toi, mais à cause des djinns. Et de ce que tu fais, comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'la, et qu'Allah azza wa jal fasse triompher la vérité et le haq. Fadal, inshallah, le prochain. Donc là, on passe à Firuz Dinimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je compte partir, inshallah, faire la umrah avec mes parents et mes deux sœurs dans 5 jours, Inch'Allah. On cherche à savoir si on peut faire plusieurs fois la Umrah, quel est le meilleur avis. Si la Umrah dure bien une heure. Barakallahu fik, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne faire plusieurs Umrah dans une Umrah, quand on va faire la Umra, en ce qui concerne le fait d'en faire plusieurs, c'est un avis de certains savants, bien sûr, même de beaucoup de savants. Et il y a l'autre avis, celui de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de beaucoup d'autres aussi, qu'on ne doit faire qu'une seule Umra. Et c'est l'avis le plus juste, pourquoi? Parce que une deuxième Umra, avec une seule Umra, c'est seulement ce qu'a fait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Quand elle a eu ses menstrues, qu'elle a commencé à pleurer, le hadith est connu. Et les savants ont dit, jamais après elle, quelqu'un n'a fait cette chose. Jamais après elle, parmi les selfs et les savants, les grands savants, etc., ils n'ont fait cette chose. C'est une chose qui a été faite beaucoup plus après. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani Rahmou dit que l'avis le plus juste, c'est que une personne, quand elle va à la Umra, elle ne peut faire qu'une seule Umra. Sauf si, de la Umra, elle repart en voyage. De la Umra, elle part par exemple pour un voyage, de façon à ce qu'elle quitte, le Miqat, ensuite elle revient. Ça, c'est possible. Mais sortir juste comme font les gens maintenant, aller là-bas et revenir, et faire une nouvelle Umrah pour son père, pour son grand-père, pour son oncle, pour son cousin, pour tout cela, inshallah ta'ala, ce n'est pas l'avis le plus juste. Ensuite, est-ce que la Umrah dure une heure? Naam, ou peut-être moins. Naam. Allah Azza wa Jal vous facilite la Umrah et ne nous oubliez pas dans vos doigts. On passe, inshallah ta'ala, au suivant. Tfadl. Enfin, j'étais en stéréo mix. Je relis la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous passez pour nous enseigner notre religion. Amin. Ma question est la suivante. Il me semble que vous aviez déjà parlé de ça dans un de vos cours, mais je veux juste que vous me confirmiez que j'ai bien compris. L'âme a 5 étapes. Pourriez-vous me les répéter? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas si c'est de cela qu'elle parle, mais vous savez que l'âme il fut un temps où elle n'a jamais été mentionnée, ni n'a existé. Par exemple, pour celui qui a 25 ans, il y a 26 ans. Il y a 26 ans, la personne qui a maintenant 25 ans n'existait pas. Non. Ou encore mieux, je dis, il y a 27 ans. Pour la personne qui a 25, il y a 27 ans. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quelqu'un va me dire, elle existait, mais elle était dans le ventre de sa mère. Maintenant, c'est pour ça que j'ai ajouté une autre année, pour dire que, pour celui qui a 25 ans, il y a 27 ans, 28 ans, donc cette âme n'existait pas du tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand Allah Azza wa Jal, l'âme, a envoyé l'ange au quatrième mois pour insuffler quoi? Insuffler, yani, dans le ventre de la mère, pour insuffler l'âme du bébé. Ensuite, la troisième étape, c'est quand elle va sortir du ventre de sa mère. Elle va vivre cette vie. La quatrième étape de l'âme, c'est quand elle va mourir et être dans sa tombe. Ça s'appelle Berzakh, ça s'appelle la barrière. La barrière qu'il y a après la mort et entre quoi? Direction. La cinquième étape, c'est quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugée et enfin se retrouver éternellement au paradis ou bien éternellement en enfer. Que Allah Azza wa Jalla nous préserve de son enfer. Allah ta'ala a'lam. Tafadla inshallah le suivant. Mariam, est-ce que le cheikh a bien répondu à votre question? Est-ce que c'était bien ça la question, inshallah? Mariam, naam, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Donc on passe à Ourti Sounia sur Paldolk. Abou Marwan, si tu peux copier-coller la question. Salam alaykoum wa rahmatullah, cheikh. Vous avez parlé de la croyance avec le cœur, puis avec la langue et avec les membres du corps. Est-ce qu'une action qui doit être faite avec les membres et qui ne se fait qu'avec le cœur est récompensée? Par exemple, si je lis le vendredi la surat al-Kahf avec le cœur sans bouger les lèvres, j'ai la récompense de celui qui l'a lu à voix haute avec sa langue. Tfadal cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour qu'on dise de lui, il a lu une chose, non, il faudrait qu'il bouge ses lèvres. Et non pas avec le cœur, car s'il va lire avec le cœur, ça s'appelle la lecture des yeux. Et le hadith qui dit que celui qui lit Sourate al-Kahf, il aura telle et telle lumière, parlait de la lecture des lèvres, pas la lecture des yeux. Donc si tu veux avoir cette récompense, cette lumière, hein? Il faudrait quoi? Il faudrait que tu lises avec les lèvres, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكِ. Il a dit, yani, ne fais pas bouger en lisant, yani, avec ta langue. Et quand on bouge la langue, on bouge aussi les lèvres. Les savants disent, quiconque n'a pas bougé ses lèvres n'a pas lu. Donc si tu veux avoir la récompense, il faut bouger les lèvres quand tu lis Bi'idna Azzawajal. Et les savants disent aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on savait qu'il lisait, les sahaba disent, on savait qu'il lisait, quand il lisait à voix basse, on savait en regardant son dos, en le regardant de dos, en regardant sa barbe trembler. En voyant sa barbe trembler. Donc, si quelqu'un, par exemple, ne bouge pas ses lèvres, sa barbe ne va pas trembler. Tu vas le voir, tu ne vas pas voir sa barbe trembler. C'est pour ça que c'est un délit que, même quand on peut lire à voix basse, il faut bouger les lèvres. Non. Sinon, c'est la lecture des yeux et elle ne compte pas pour avoir le ajr qu'il y a dans le hadith. Allahu ta'ala alam. Tfadla le suivant. Donc là, c'est Ourti Sounia. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Dans le livre, la Tahawiyya, un hadith de Bukhari, rahimahullah, indique ceci. Lorsque les croyants traverseront le pont, on les arrêtera, puis s'adresseront mutuellement la parole. S'ils prennent un bon comportement, ils seront purifiés et introduits au paradis. Pouvez-vous nous expliquer cela? Qu'Allah vous récompense de nous éclairer à ce sujet. Amin. Tfadal, cher. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère, inshallah ta'ala, que je ne rentre pas dans l'ostentation si je dis que j'ai lu tout Sahih al-Bukhari et tout le Sharh de Fath al-Bari et je ne me rappelle pas avoir que mes yeux soient tombés sur un hadith pareil. C'est-à-dire que le hadith existe sûrement, mais si tu me le donnais en arabe, peut-être que je vais me rappeler. Mais comme ça, en français où il est dit que s'ils ont un bon comportement, je ne vois pas que ça parle de bon comportement sur le sirat. C'est pour ça que si c'est possible, on donne le hadith en arabe, inshallah ta'ala, parce qu'il est mal formulé, je pense. Et le temps qu'elle cherche le hadith, on passe, inshallah ta'ala, je l'ai pas sous la main en arabe. Naam, regarde avec quelqu'un qui peut nous le donner en arabe. Regarde avec quelqu'un qui peut le ou du moins le numéro du hadith. Cherche le numéro du hadith. Abu Marwan a dit, je peux vous citer, inshallah. Tfadl, Abu Marwan, c'est quoi ce hadith? Tfadl. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, inshallah? Cheikh, vous m'entendez, inshallah? Je crois que la ourte, elle veut parler du hadith où les gens qui se sont disputés dans la dunya, quand ils auront traversé le pont, avant de rentrer dans le paradis, ils vont se rencontrer pour se réconcilier. Ce hadith, vous l'avez déjà cité, où la personne va dire « Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et ils vont se réconcilier avant de rentrer dans le paradis, Allahu alam. Si c'est ce hadith, inshallah ta'ala, donc pour expliquer jeudi, quand les gens vont traverser le sirat, hein, maintenant qu'ils ont posé, leurs axes, etc., et qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, ça a marché, maintenant en traversant le sirat, quand ils terminent, il y a ce qu'on appelle la passerelle, pour celui qui ne tombe pas. Qu'Allah ta'ala fasse de nous qu'on soit de ceux qui ne tombent pas du sirat. Quand les gens terminent le pont, ils se retrouvent sur la passerelle. La passerelle, un petit pont. Un petit pont. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, c'est, yani, c'est se réconcilier avec les gens, se purifier. C'est-à-dire que personne ne doit rentrer au paradis, même s'il a traversé le pont. Il a réussi la grande épreuve, mais il ne va pas rentrer au paradis alors qu'il a des dettes qu'il n'a pas payées. Mais il ne va pas rentrer au paradis alors qu'il y a des gens qui lui en veulent, parce qu'il les a insultés, il les a volés, il les a médits, il les a maudits. Donc, ici, c'est la purification entre les gens eux-mêmes. Certains disent même entre les gens et les animaux. Non, donc, là, celui qui, par exemple, j'ai médit sur lui, Allah Ta'ala va me dire, par exemple, la médisance, c'est, par exemple, de lui donner, par exemple, 100 hasanat. Je dois lui donner 100 récompenses. Si j'ai pas, par exemple, 100 récompenses, il va me donner, lui, 100 siyyat, 100 mauvaises actions, je vais les mettre sur mon dos. Et comme ça. Ici, tout le monde doit se réconcilier, tous les cœurs doivent se purifier avant de rentrer au paradis. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, il a dit, c'est un verset, et on a enlevé de leur cœur tout ce qu'il y a comme adversité. Et les voilà sur des divans en train de se contempler ou en train de se regarder. Car il est impossible que quelqu'un aille au paradis alors qu'il a, yani de la vengeance dans le cœur. Ce n'est pas possible. Voilà ce qui se passe, inshallah ta'ala, sur la passerelle. Allah Ta'ala a'lam. Tfadl, inshallah, le prochain. Hayyak Allah, tfadl. Je crois que Céline speak maintenant. Et c'est la question de Edin al-Haq. Donc j'avais demandé qu'on m'envoie la question en PV, je ne l'ai pas reçue. Donc Je ne sais pas s'il est là. Ad-Dinu al-Haq. Donc on passe à Ourt 19. Donc toujours une question sur la Aqidah, Inch'Allah. Allahu a'lam, Cheikh. Yani, c'est pas prononcé. Naam. Donc faites-le savoir, Inch'Allah, lorsque vous voulez prendre le micro. Tfadal, Inch'Allah. Naam, salam alaykoum. ورحمه الله وبركاته الحمد لله نعم شيخ je voulais savoir c'est par rapport juridique et la volonté la universelle que, la mort en fait est-ce au niveau de ces deux que c'est la volonté juridique est-ce que c'est la volonté universelle ou est-ce que c'est les deux la mort du musulman ou du non musulman en général j'ai fini ma question. Et une chose, il y a Ourt 19, qui est juste après, parce qu'elle a eu peur de ne pas pouvoir poser sa question, mais elle m'a envoyé la question. J'envoie à Abu Reira, je l'envoie à Abu Marwan, je l'envoie à Muslim. Ça, c'est une deuxième que je voulais demander. Ou est-ce que la sœur, tout simplement. Exactement. Allah wa alam. J'ai fini ma question, mon cher. Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a comme règle générale, inshallah ta'ala, que tout ce qui se passe dans cet univers, sans que, yani, nous soyons nous qui le faisons, rentre dans la volonté juridique. La pluie qui tombe, le vent, naam, le tonnerre, les gens qui meurent, les tremblements de terre, la feuille qui tombe de l'arbre, l'animal qui meurt tout seul, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans cet univers, qui, c'est pas nous qui le faisons, rentre dans la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, quand j'ai commencé, j'ai pris le micro, je ne sais pas si j'ai dit la volonté universelle ou je me suis trompé, j'ai dit juridique, mais je voulais dire universelle. Car ça a rapport avec l'univers, c'est quelqu'un qui meurt, c'est quelque chose qui se passe dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et non pas avec la volonté de la personne elle-même. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal inshallah le suivant. Naam, donc on passe à Apple Talk. Donc j'ai la question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel est le statut juridique d'une personne qui a dit à plusieurs reprises « Je suis un kuffar » mais qui continue à jeûner, prier ? Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ce sont des choses dont, yani, la personne devrait s'en éloigner. La personne qui craint Allah, la personne qui est pieuse, ne dit pas des choses pareilles. Les savants ont dit, si jamais quelqu'un s'énervait et il disait, si je fais cette chose, je suis un juif. Si je fais cette chose, je suis un chrétien. Ils ont dit, si c'est sous l'effet de la colère, ou bien c'est, il a dit cela pour qu'il ne fasse pas la chose, il a dit dans ce cas, certains disent, il a la kafara. La kafara, qu'on appelle, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, a juré, c'est l'expiation, et d'autres ont dit, il dit seulement la ilaha illallah, il dit seulement la ilaha illallah. Mais si en disant cette phrase maintenant, comme la personne qui a dit cette phrase maintenant, si elle l'a dite, et en même temps, dans le cœur, avec son cœur, elle souhaite ça. Non, elle dit, je suis kafir, dans son cœur aussi, non, elle veut cette chose. Dans ce cas, elle est devenue kafir et rien ne lui sert qu'elle jeûne, rien ne lui sert qu'elle mette le djibab, rien ne lui sert de faire la prière ni rien. Non. Mais si elle a dit seulement avec la bouche et je ne sais pas pour quelle raison, dans ce cas, la moindre des choses, c'est qu'elle a fait vraiment un grand péché. C'est qu'elle a fait vraiment un grand péché. Mais s'il y a en même temps, en joint entre, elle a dit avec sa langue, et il y a aussi avec le cœur, Non, mais il y a aussi avec le cœur, sans être forcée qu'elle le dise, en ce cas elle devient kafira ou l'ayadu billah. Que Allah Ta'ala nous préserve. Tafadla, inshallah, le suivant. Donc c'est Islam Dini. Non, la zakat, c'est, ça fait pas partie de la aqidah. Donc cette question, inshallah, ça sera pour mercredi. Donc soit on vous laisse le temps de poser notre question sur la aqidah, ou soit vous baissez la main, inshallah. Donc Islam Dini, si vous avez une autre question, on vous laisse le temps de la préparer, ou alors vous baissez la main. Donc là, on passe à Mohamed Ali. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Abu Marwan, la salat aussi c'est un pilier de l'islam. Et pourtant on laisse la partie pour le mercredi. Khair inshallah. Une mère entend son bébé en train de pleurer. Elle savait pas ce qu'il avait. Quand elle ouvrit sa couche pour voir s'il n'avait pas fait ses besoins, elle découvrit que son bébé venait d'être circoncis. Et il y avait du sang dans la couche. L'enfant est âgé de 3-4 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Tfadal cher. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Je sais qu'il y a des bébés qui naissent circoncis. Quand il a 3 mois, ou là, elle vient de dire 3 mois, ou là, 3 ans, là, je ne sais pas, et on le trouve circoncis, hein, certains disent que ce sont des djinns. Hein, certains disent que ce sont peut-être des anges. Je n'ai pas une science exacte en cette chose. Cette chose, entre parenthèses, un peu bizarre. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit que ce soit un djinn musulman. Un djinn musulman qui soit médecin peut-être. Et qui l'a circoncis. Le suivant. Donc là on passe à InSpeak. Donc c'est le tour de Urt 19. Ils ont essayé de m'envoyer la question en PV, mais elle ne passe pas. Et lorsque la question est terminée, mettez un « Inch'Allah ». Assalamu alaikum, cher. Une sœur a de gros ouest-ouest dans la Aqidah. Elle se pose des questions. Si c'est bien l'islam, la vraie religion, et pourquoi pas le christianisme ou le judaïsme qui serait la vraie voie. D'un autre côté, elle a très peur de sortir de l'islam à cause de ses doutes, car elle avait lu que si on avait des doutes sur la véracité de l'islam, on sort de l'islam. Elle est donc très angoissée. Elle est sortie de l'islam à cause de ses doutes. Elle souhaite des conseils de votre part. Et que faut-il faire quand on est confronté à ses doutes? Barakallahu fikoum, cheikh. Tfadal, cheikh. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Pour que une personne devienne musulmane, il faudrait que elle atteste cela d'une façon où il n'y a pas un brin de doute. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une conviction inébranlable que l'islam, c'est la vraie religion. À partir du moment où une personne se dit « Je suis musulman, mais je ne sais plus si, par exemple, l'islam, c'est la vraie religion, ou le christianisme, ou le judaïsme. » Si elle dit comme ça, elle n'est plus musulmane. Parce qu'elle devrait être. Mais maintenant, elle a seulement certains doutes. Si elle a seulement des petits doutes qui viennent du shaitan. Qui viennent du shaitan. C'est-à-dire que dans son cœur, elle est convaincue que c'est l'islam, qui est la vraie religion. Mais le shaitan vient et lui fait des ouswas et lui dit que peut-être que ceci, peut-être cela. Dans ce cas, elle éloigne le shaitan et elle est toujours musulmane. Elle éloigne le shaitan et elle est toujours musulmane. Mais si elle a des doutes en elle-même, c'est-à-dire que quand elle se parle, elle se dit, je ne sais pas où est la vérité, je vais acheter des livres, je vais comparer, je vais lire l'évangile, je vais ceci, je vais voir. Dans ce cas, elle n'est pas encore entrée dans l'islam. Ou si elle était rentrée, elle en est ressortie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir de doutes. Non, c'est bien de faire des recherches, c'est bien de chercher ça pour consolider sa foi. Et ce n'est pas pour être sûr que c'est l'islam la vraie religion. Mais je dis et je redis, si c'est une question de ou soit si c'est plus fort qu'elle, dans ce cas, elle peut être excusée. Dans ce cas, je lui conseille de ne pas rester beaucoup seule et de faire beaucoup de dhikr et d'invocations et d'écouter beaucoup de doros et de lire beaucoup les livres yani de Al-Sunnah Al-Jama'a, les livres qui sont en français, ça, si elle est francophone, et de ne pas laisser beaucoup de place yani, au shaitan qui va venir s'asseoir sur ton cœur et te remplir de ouswas. Mais il faut toujours dire Allah. Allah amantu billahi wa bi rusulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu lis Ayatul Kursi, tu lis qul a'udhu bi rabbil falaq, tu lis qul a'udhu bi rabbin nas, tu lis qul wallahu, tu écoutes les durus, tu ne te donnes pas beaucoup de temps même à toi. Yani ne laisse pas comme ça à ne rien faire, sinon c'est le shaitan qui va te gagner. Mais je pense Allah subhanahu wa ta'ala alam que une personne, si maintenant elle est sûre d'elle, que c'est une personne qui fait la prière, qui est ceci, qui fait cela, et que là, maintenant elle n'a jamais eu ces choses et que ses doutes sont commencés à venir, que c'est le shaitan seulement qui veut l'égarer, qui veut la faire sortir de l'islam, qui veut l'angoisser, qui veut lui dire tu n'es pas musulmane et comme ça, et que bi'idna ta'ala, si elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'attache vraiment à son din, etc., qu'elle le vaincra bi'idna azzawajal, et que Allah ta'ala va lui faire descendre la quiétude et la sérénité sur son cœur. Je demande à Allah ta'ala le Tout-Puissant hein, qu'il chasse d'elle ce maudit shaitan et ses maudits ouswes, et qu'il descende sur son cœur le khushur ou sakina et la sérénité et la yani, la douceur de la foi et la tranquillité, et qu'il augmente sa foi et fasse d'elle une sœur pieuse. Bi'idnillah ta'ala. Fadlan le prochain. Donc, Islam Dini, est-ce que vous avez préparé votre question, Inch'Allah? Islam Dini, vous êtes toujours là? Khair, Inch'Allah. Salam alaykoum. Jazakallahu khayran pour vos cours. Masha'Allah, j'aimerais savoir s'il est possible de dire que les arbres, les cieux, ou la terre, ou autres, ont une âme. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mieux que de dire que les arbres et les cieux, etc., ont des âmes, hein, mieux que cela, c'est de dire qu'ils ont une vie, comme ça disent les savants. Ils disent l'arbre a une vie, n'âme. Ces choses-là ont des vies, mais nous, on ne comprend pas comment qu'ils vivent. Hein? Ils ne sont pas inertes. Nous, on dit que l'inertie sont inertes, mais en fait, n'âme, il y a une façon de, yani, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui faire le tisbih, comment, que nous, on ne connaît pas. Et rappelez-vous du tronc d'arbre qui, lorsque le messager d'Allah yani, faisait s'adosser à lui pour faire la prière de la Jumu'ah, le prêche du Jumu'ah, ensuite quand le messager d'Allah on lui a construit un mimbar, il a délaissé ce tronc d'arbre. Vous savez combien ce tronc d'arbre a gémi, combien ce tronc d'arbre a pleuré, et tous les sahaba l'ont entendu jusqu'à ce que le messager d'Allah descende du mimbar et aille vers le tronc d'arbre et a commencé à le caresser comme une mère caresse son bébé quand il commence à pleurer pour qu'il se taise, et comme ça petit à petit ce tronc s'est calmé. Donc un tronc, l'âme, il a une vie, mais nous on ne sait pas yani, c'est quel genre de vie qu'il a et comment qu'il vit, etc. Tout ça seul Allah Azza wa Jal yani, le sait. Donc on dit qu'elles ont une vie au lieu de dire elles ont des âmes. Wallahu ta'ala a'lam. Parce que l'âme, toute chose qui a une âme doit mourir. Or tout le monde sait que l'ange de la mort ne va pas aller aux arbres pour leur enlever leur âme. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Suivons, inshallah, tfadlal. Naam. Donc là, c'est la question de Islam Dini. Assalamu alaikum, Cheikh. Dans quel domaine de la Aqidah les takfiriyens peuvent-ils nous égarer? De quoi ou dans quoi nous font-ils sortir de la religion? Voilà ma question que je voudrais poser. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le tekfiri va t'égarer en ce sens que tu vas dire que tout le monde est kafir, sauf moi. Tout le monde est devenu kafir. Mon père, ma mère, tous les gens sont devenus des kuffars, sauf ceux qui attestent comme moi que tous les gouvernants musulmans sont des kuffars. Donc le tekfiri et de notre époque, les Khawarij aussi, ceux-là, ils n'arrêtent pas de parler du Tarout et du Tarout. Et il n'y a pas plus grand Tarout qu'eux. Pourquoi? Parce que le Tarout, c'est celui qui a dépassé les limites. Et eux, ils ont dépassé les limites en parlant du Tarout lui-même. Ce Tarout, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il a fait d'eux qui n'apprennent jamais la Aqida. Jamais tu ne trouves un tekfiri qui connaît sa Aqida. Jamais au grand jamais. Il s'est parlé seulement dans une seule chose. Celui qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. C'est tout. Mais, parler des attributs d'Allah, la différence entre les attributs, yani de l'entité, les attributs de l'acte, parler de ce qu'il y a dans l'au-delà, parler, ils ne savent rien de cela. Ils ne savent rien du fiqh. Du fiqh, comment faire la prière, comment jeûner, est-ce que cette chose annule les ablutions, n'annule pas. Tout cela, ils n'en savent rien. Des nullards. Ils ne savent que quoi? Que ce gouvernant est quoi? Ce gouverneur est un kafir. Ou alors, il faut tuer, il faut brûler, il faut ceci. Mais le plus comble de tout cela, c'est quoi? C'est que jamais quelqu'un d'eux ne part, s'il y a un djihad, ne va faire le djihad, ni ne va combattre. C'est ça le plus malheureux dans tout cela. Toi au moins, si tu ne pars pas au djihad, parce que tu n'es pas convaincu. Demain, si Allah Ta'ala te dira pourquoi tu n'es pas allé au djihad, tu dis à Allah, je n'ai entendu aucun savant dire que dans tel pays il y a le djihad, partez. S'il dit il y a le djihad dans tel pays, comme ils ont dit autrefois qu'il y avait le djihad en Afghanistan par exemple, beaucoup de gens sont partis. Mais, tant que je n'ai pas entendu de savant dire, je n'ai pas cette science ni ce rang pour savoir qu'il y a djihad ou il n'y a pas. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Mais les takfiriyun et les khawarij sont convaincus que nous sommes dans un moment de djihad. Et ils restent à Paris, et ils restent à New York, et ils restent à Londres, et ils ne vont pas faire le djihad. Ils exhortent les gens, poussent les jeunes à se tuer, à s'entretuer, et eux, ils sont là, dans les pays de coffre, les grands pays européens, les grandes villes, en train de s'amuser, de plaisanter, d'amasser de l'argent, d'amasser les euros, de construire des villas et d'acheter des Mercedes. Que Allah Ta'ala nous préserve des chiens de l'enfer. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. D'abord, c'est à Inspeak. Et bien, Inch'Allah, c'est à Albani Muslim. Donc là, c'est à Naïm 23. On a fait Mouchke de Ibn Al-Qayyim. Naïm 23. Est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Salamu alaykoum, Cheikh. Hayakoum Allah. Je voudrais savoir concernant les prières qu'on n'a pas fait dans le passé, si on peut les rattraper par des nafilas. Jazakumullah khayran, qu'Allah vous guérisse. Allahumma amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Amin. Barakallahu fikoum. En ce qui concerne les prières qu'on n'a pas fait ou là qu'on n'a pas faites dans le passé, il y a deux avis. Un avis qui dit on doit les refaire, et un avis qui dit au lieu de les refaire, on va faire des nafilas. On va faire des nafilas. Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Pour au moins trois raisons. La première, c'est que le kafir, quand il rentre en islam, on ne lui demande pas de faire des prières qu'il n'a pas faites dans le passé. Or, Ibn Taymiyyah a dit, comment se fait-il qu'Allah Ta'ala soit plus miséricordieux envers un kafir qu'un musulman? Le kafir, on ne lui demande pas de faire les prières qu'il n'a pas fait autrefois, on demande ça aux musulmans. Donc ça donne que Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers le kafir qu'envers le musulman. Or, c'est impossible. La deuxième des choses, le deuxième dalil, c'est qu'Allah Ta'ala ne nous a jamais ordonné de faire la prière seulement. Mais il nous a ordonné de faire la prière à l'heure. Ça, c'est pas faire la prière, c'est tout. Mais aqimou salat, il faudrait faire la prière à l'heure. À quoi ça sert à quelqu'un qui fasse la prière du dawn, qu'il la fasse la nuit, à 22h? À quoi ça sert à quelqu'un qui fasse la prière de la Isha à 8h du matin? Allah Ta'ala t'a dit de faire la Isha en son heure, le dawn en son heure, à son heure et comme ça. Or toi maintenant, si tu vas faire la prière de il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait la prière à l'heure. Tu as fait seulement la prière. Allah Ta'ala ne t'a pas dit de faire la prière, mais il t'a dit de faire la prière à l'heure. Troisième dalil, c'est que le hadith authentique où il est dit que le jour du jugement dernier, la première chose dont Allah Ta'ala va nous demander des comptes, c'est la prière. S'il la trouve complète et parfaite. Alhamdoulilah, il a dit sinon, il va demander aux anges et leur dire, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires. Donc vous voyez, il ne va pas dire, regardez, est-ce que mon serviteur a rattrapé. Mais il va dire, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières yani, surérogatoires nafila. Et je vais ajouter maintenant un quatrième dalil qui me vient maintenant dans la tête. C'est quoi le quatrième dalil? Le quatrième dalil, c'est qu'Allah Ta'ala t'a demandé de faire la prière avec khushu'a. Avec khushu'a. Naam. C'est-à-dire, si tu pouvais même, tu pleurais dans la prière. Naam. Subhanallah l'adhim. Alors que tout le monde sait que, comme a dit Allah Ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Naam. On y a vraiment réussi ou la gagné ou la les croyants qui trouvent yani, le khushu'a dans leur salat. C'est comme ça qu'il a dit dans le verset. Al-Muhim, est-ce que vous connaissez, ou là, si vous avez vu déjà les gens qui sont en train de rattraper les prières des années passées, est-ce que vous voyez quelqu'un faire la prière yani, comme ça, doucement, avec yani, masha'Allah, avec khushu'a, avec... C'est impossible. Pourquoi? C'est comme si on avait une montagne sur la tête, sur les épaules, et on voudrait s'en débarrasser. Quelqu'un qui veut rattraper les prières des années passées, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait très vite. Pourquoi? C'est un poids qui est sur ses épaules. Il se dit, j'ai 5 ans à rattraper. Aujourd'hui, je dois faire 4 dors, 4 maghreb, 4 isha, 4 kda. Et il commence. Allahu akbar, salam alaikum. Allahu akbar, ta-ta-ta, salam alaikum. Et comme ça, et ça, ce n'est pas une salat. La salat, c'est la salat où il y a du khushu'a. C'est pas la salat où on, yani, où la chose de laquelle on voudrait se débarrasser. Wallahu ta'ala alam. On passe au suivant, inshallah. Ah, donc c'est autour de Al-Bani Muslim. Allahu alam. Al-Bani Muslim, est-ce que tu es là, inshallah? Salam alaikum, cher. Depuis plusieurs années, ma mère et moi avons perdu les contacts. Avons perdu le contact, car depuis qu'elle est allée voir notre famille d'Algérie, elle a changé radicalement et s'est mariée avec son cousin de mon âge. Elle refuse de me voir. Elle refuse de me voir et elle déménage assez souvent avec son mari ici en France. Je suis arrivé à savoir qu'elle habite pas loin de chez moi, mais je redoute et j'ai peur de faire une autre tentative de lui parler et je ne connais pas son mari. Pouvez-vous m'indiquer comment pourrais-je faire, car ma famille est contre elle, mais je souffre de cette séparation. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Fadal Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. En fait, en règle générale, on devrait toujours yani, chercher les moyens, comment faire pour ne pas perdre ses liens avec yani, ses pères et ses mères. Avec les parents, on devrait faire son possible, comment faire pour ne pas perdre les liens. Naam. Maintenant, si la sœur sait que sa mère n'habite pas loin d'elle, elle devrait faire son possible, comment pour la rencontrer et lui parler. Quitte à l'espionner dans le sens de yani, pour savoir quand est-ce qu'elle sort, où elle va, etc. pour la suivre. Ensuite, aller la rencontrer de face et faire semblant que, comme si maintenant, on s'est rencontré comme ça, c'est venu comme ça, que c'était pas préparé. Et ensuite, juste après, quand on parle pour la première fois avec une personne, etc., avec sa mère, on l'embrasse pour la première fois, etc., ensuite, Inch'Allah Ta'ala, toutes les choses vont marcher petit à petit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on l'a fait, ce n'est pas une réponse ni une question qui a une solution dans le fiqh ou dans la aqida, mais c'est une solution elle doit chercher la solution avec ses amis, son entourage, sa famille pour l'aider, comment faire de sorte pour la rencontrer, lui parler et comme ça. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, bi'idhna azza wa jal. Fadal. Donc c'est autour de Oumou Junaïd. Salam alaykoum, cheikh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Ma question est la suivante. Pourriez-vous m'expliquer la signification de ces trois catégories? La première, Qiyas Shumul. La deuxième, Qiyas Tamtir. Et la troisième, Qiyas Aulawiya. Barakallahu fikoum. Tfadal, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quant à Qiyas al-Aulawiya, Qiyas al-Aulawiya, ça s'appelle aussi Qiyas al-Aula. C'est-à-dire que toute perfection qui se trouve, on parle de ça surtout dans la Aqida, toute perfection qui se trouve chez une personne, elle devrait être en Allah Azza wa Jal en primauté. Si une personne, on dit d'elle par exemple qu'elle a telle ou telle qualité, on devrait dire cette chose de Allah Azza wa Jal en premier lieu avant de dire de la personne. C'est pour ça que dans la Aqida c'est comme ça. Dans la Aqida, il y a ce qu'on appelle Qiyas Aula, Qiyas Aula. Il y a ce qu'on appelle Qiyas Aula. Quant à Qiyas Shumul, c'est un qiyas qu'on appelle qiyas el manatika. Je ne sais pas comment on dit le manatika. C'est une sorte de philosophe, les Grecs, etc., qui parle de la logique, logicien ou quelque chose comme ça. Ce sont eux qui ont trouvé ça dans leur livre. Qu'il y a le muqaddima, ensuite il y a le juz'iyya, le kul, il y a le tout, la partie, le ceci, cela. Elle dit ça se trouve dans les livres, surtout les livres des Grecs, Manatéka et des philosophes, et le troisième qiyas qui s'appelle qiyas al-tamthil. Je ne sais pas si j'ai parlé de ce qiyas ou je n'ai pas parlé. Qiyas al-tamthil. Vous savez que dans le fiqh, par exemple, dans le fiqh, pour que le qiyas soit valable, il faudrait qu'il y ait au moins trois choses. Il faudrait qu'il y ait le maqis ou le maqis alayhi ou l'ishtirak fil hukm fil illa, ensuite le hukm, le jugement. Si par exemple on parlait de la drogue, on va dire qu'on a l'alcool, on va faire le qiyas de la drogue sur l'alcool parce qu'ils ont une chose commune qui est le fait d'enivrer, de rendre fou, et puisque l'alcool est interdit, donc la drogue est aussi interdite parce qu'elle fait la même chose que l'alcool. Ce que je veux dire en général ici, c'est que seul le premier qiyas, on peut on peut utiliser dans la aqida. Seul le premier qiyas, on peut utiliser dans la aqida. Quant au qiyas shumul et qiyas tamthil, ces deux-là, c'est interdit de les utiliser dans la aqida. On doit seulement utiliser qiyas al-awlawiya dans sifat Allah. Naam, on doit utiliser sifat qiyas al-awlawiya. Je répète, si un jeune n'a pas compris ce que ça veut dire qiyas al-awlawiya dans la aqida, ça veut dire que toute perfection qui se trouve chez l'être humain, naam, par qiyas al-awlawiya, on devrait l'a annexé à Allah Azza wa Jal. Nam, je répète, toute perfection qui se trouve chez l'être humain, nam, par qiyas awlawiya, on devrait plutôt l'annexer à Allah subhanahu wa ta'ala et dire que c'est Allah ta'ala qui est plus en droit à avoir yani, cet attribut, cette perfection. Si ce n'est pas compris, je réexplique. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris que ça veut dire ça ou là je réexplique? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hein? Toute perfection qu'un être humain a, on devrait dire que cette perfection, c'est Allah Ta'ala qui doit l'avoir avant les autres. Ça s'appelle Qiyas Aula. Aula. En premier. C'est Allah Ta'ala en premier qui devrait avoir cette perfection. Allah Ta'ala, ala, tafadhal. Donc là, on passe à InSpeak. C'est au Akh Abu Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pendant la prière du Aïd, il y avait plein de monde et j'ai dû prier dehors avec d'autres frères devant l'imam. Est-ce que ma prière et celle des frères et celle de ses frères étaient valides? Entre parenthèses, je précise qu'il n'y avait plus de place et que j'étais dans la dalla car j'ai entendu que celui qui prie devant l'imam, sa prière n'était pas valide. Tfadal Cheikh. Salam wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sûrement que vous savez que l'avis le plus juste c'est que la salat de l'Aïd est une salat obligatoire et ce n'est pas seulement une sunna. Le grand délil de cela c'est que quoi? C'est que si jamais la salat de l'Aïd tombe en même temps que la Jumu'a tombe le jour du vendredi, si on fait la salat de l'Aïd, on n'est plus obligé de faire la salat du Jumu'a. Donc c'est une preuve et on fait d'or. Donc c'est une preuve que que la salat de l'Aïd est obligatoire. Sinon, une prière qui n'est pas obligatoire ne peut pas annuler une prière obligatoire, qui est salat du Jumu'a. Alors, si maintenant, pour salat du Jumu'a, et c'est permis de faire la prière devant l'imam, si on a peu de place, alors que salat du Jumu'a, c'est connu que elle est beaucoup plus obligatoire que salat de l'Aïd. Et malgré cela, c'est possible. Yom el Jumu'a, s'il n'y a pas de place, tu fais la prière devant l'imam, devant lui, et c'est permis d'après l'avis le plus juste des savants. Alors, pour Salat l'Aïd, c'est comme on a dit tout à l'heure, qiyas aw. Donc, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, quand on n'a pas de place, d'aller devant l'imam et de faire la Salat là-bas. نعم قلت لها سويت صلاة إن شاء الله تعالى فاليد تفضل موسى أم عدم 95-82 السلام عليكم شيخ est-ce que le mauvais comportement d'une personne est le signe de mauvaise foi? Qu'en est-il d'une personne qui passe beaucoup de son temps? Donc on pose uniquement la première question. Salam alaikum shir, est-ce que le mauvais comportement d'une personne est le signe de mauvaise foi? Le mauvais comportement est le signe d'une mauvaise foi, c'est-à-dire d'une foi faible. Plus notre foi est parfaite et masha'Allah, plus notre comportement s'améliore et on devient l'une des meilleures personnes. Et plus la foi faiblit, plus le comportement devient mauvais, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pour la prosternation de distraction, doit-on faire les deux prosternations, le tashahud et le salam, ou la prosternation puis le salam directement? Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abou Marwan a dit, Cheikh, pouvez-vous préciser que ce mauvais comportement ne signifie pas que la personne n'est pas ou plus n'est pas ou plus salafi ou salafia? Naam, on peut être salafi, on a toujours un mauvais comportement quelque part. Naam. Quant à la question, je ne l'ai pas comprise. Cher, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, tu la répètes. Naam, cheikh, il n'y a pas de problème, inshallah. Donc, c'est la question de Bint Adam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Donc, la question concerne la prosternation de distraction. Donc, doit-on faire les deux prosternations, le tashahhud et le salam, ou les deux prosternations, puis le salam directement? Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. La prosternation de la distraction, ou bien on va la faire à l'intérieur de la salat, ou bien on va la faire à l'extérieur de la salat. Si on va la faire à l'intérieur de la salat, quand je termine le tashahhud, je dis, dernièrement, qu'est-ce que je dis? Quand je termine le tashahhud, maman y a oublié comme un adab jahannam, un adab le qabr, un fitat mahul mamat, un fitat masih al-dajjal. Ensuite, Allahu Akbar, je me prosterne. Ensuite, je m'assois. Ensuite, deuxième prosternation. Ensuite, je m'assois. Naam, et je dis Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Si c'est à l'intérieur de la salat. Si c'est à l'extérieur de la salat, je fais si à l'extérieur de la salat, je fais le salam. Je dis Salamu alaikum. Salamu rahmatullah. Ensuite, je me prosterne. Je m'assois. Je me prosterne. Et je m'assois. Et je refais le Salamu alaikum. Naam, je refais le salam sans le tashahhud. Sans le tashahhud. Naam. Tfadla, inshallah, le prochain. Et c'est au tour de Soulaym. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je fais des cours à mon domicile tous les dimanches. Il y a peu de temps, j'ai rêvé que mon conseiller d'apprendre trois noms d'Allah tous les dimanches. Puis celui qui me conseillait, entre parenthèses, je ne voyais pas qui c'était dans mon rêve, m'a dit d'apprendre les trois noms d'Allah un dimanche sur deux. Je voudrais savoir si je peux mettre en pratique ce rêve ou si cela fait partie de l'innovation du fait de le faire un dimanche sur deux. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, cheikh. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Si j'ai bien entendu, est-ce que cette personne a rêvé que quelqu'un lui a dit qu'il fallait apprendre un des noms d'Allah, yani trois noms d'Allah, ensuite un nom tous les 15 jours et comme ça? Elle parlait des noms d'Allah ou de quoi? Naam, cheikh, elle parlait des noms d'Allah. Donc j'ai rêvé que le mon conseiller est d'apprendre trois noms d'Allah tous les dimanches. Et après elle dit que la personne dans ce rêve m'a dit d'apprendre les trois noms d'Allah un dimanche sur deux. Tfadal, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, en fait, la demande de la science, la quête de la science, c'est beaucoup plus d'après quoi? D'après les efforts qu'on peut faire. Naam, et non pas d'après ce qu'on voit dans les rêves et dans les songes. Car des fois, il est possible que ce soit le shaitan qui vienne et qui a des buts derrière cela qu'on ne connaît pas. Non. C'est pour ça que la personne devrait, pour ce qui concerne la quête de la science, voir bi'idna azza wa jal, quels sont les efforts qu'elle peut faire. Non. Sans donner l'importance à ce qu'on lui a dit ici dans le rêve en ce qui concerne les noms d'Allah azza wa jal. Non. Wallahu ta'ala. Donc on va poser la question de Abu Khaira. Salam alaikum, cheikh. Ma question est, comment sent-on que Allah Ta'ala est satisfait de nous au niveau de notre adoration? Barakallahu fik, cheikh. Wallah Ta'ala yashafik. Amin. Tfadar, cheikh. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on fait les adorations comme le veut Allah Subhanahu wa Azzawajal, naam, on sent une certaine tranquillité, une certaine sérénité, on sent quelque chose sur le cœur. Naam, on sent dans notre cœur un certain repos, un certain on se sent à l'aise, on sent sa poitrine, mashallah, qui est bien ouverte et comme ça. À chaque fois qu'on n'est pas bien dans le dîn et qu'on régresse et qu'on est faible, etc., on sent harj, on sent à l'intérieur des gênes, on sent à l'intérieur la tristesse, on sent à l'intérieur. C'est comme ça que la personne sait elle a un petit dalil que elle est bien ou elle n'est pas bien. Bien sûr, dans le cas hadi, où elle suit bien sûr la sunna et elle est dans le vrai minhaj. Je ne parle pas des soufis qui sont bien, etc. Non. Mais on est en train de parler entre salafi, bi'idhnillah et subhanahu azza wa jal. Tfaddal, suivant, il reste 5 minutes. Et donc c'est Abu Adam. Salam alaykoum, cher. Un frère s'est endormi juste avant Salat al-Maghrib. Il s'est réveillé une heure plus tard. Quand il s'est réveillé, il croyait que Salat al-Aisha était passé. Donc il a fait Salat al-Maghrib et ensuite Salat al-Aisha. Mais après, en regardant l'heure, il s'est rendu compte que Salat al-Aisha n'était pas encore arrivé. Que doit-il faire? Doit-il recommencer Salat al-Aisha? Car une des conditions de Salat, c'est de rentrer dans son temps. Et un frère m'a dit qu'il y a une parole de Sheikh Luhaydan et aussi de Sheikh Rajahi, Hafidahumullah, sur le boycott. Non. Donc ça n'a rien à voir. Donc Cheikh répondait juste à la première partie de la question, inshallah. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Jazakumullahu khairan. Alaykum salam wa barakatuh. En ce qui concerne le frère, hein, s'il a fait la salat, c'est-à-dire la salat Aïcha, dans son heure, dans l'heure de la Aïcha, c'est pas la peine qu'il la refasse. Et la salat de la Aïcha, quand est-ce qu'on pourra commencer à la faire? C'est quand c'est devenu tout noir, tout est obscur. Il n'y a plus la chose rougeâtre. Le ciel est devenu tout noir dans ce cas. C'est pas la peine qu'il refasse Salat al-Isha. Mais s'il l'a fait, non, il l'a fait avant. S'il l'a fait avant, il doit refaire Salat al-Isha. Il doit refaire Salat al-Isha. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadal. Donc c'est autour de Oum Safwan. C'est ça, Abu Marwan? Non. Donc, Oum Safwan, posez votre question, Inch'Allah. Salam. Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, la question c'était: quelle est la meilleure façon d'invoquer Allah quand on n'est pas touché par une grosse épreuve? Barakallahu fikoum. Faut dire que la question n'est pas très claire, mais je réponds d'après ce que j'ai compris. Même je comprends que quelle est la meilleure façon d'invoquer Allah quand on n'a pas, par exemple, d'épreuves, ou là, de grosses épreuves. La meilleure façon, c'est de ne pas oublier la ni'ma dans laquelle tu es. Tu as une grande ni'ma, celle de n'avoir pas été éprouvé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit: Inna sa'ida la man junnib al fitan. Il a dit: l'heureux, c'est celui à qui, qui s'est éloigné des fitna, qui n'a pas d'épreuve. Naam, c'est un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on est touché, il a dit quand on est touché, on est touché par une grosse... quand on est touché, afwan. Donc c'est tout à fait le contraire. Quand on est touché par une grande épreuve, on doit faire certaines choses. La première, patienter. La première, de patienter. La patience, ça se voit au niveau de la langue surtout. On ne dit pas des choses qui sont interdites dans la religion, qui attirent le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas dire aussi, on ne doit pas faire des choses qui sont interdites dans la religion, comme se déchirer les cheveux, se déchirer les vêtements, etc. Une seconde. Parce que l'hadith, c'est la patience. Ensuite, si c'est possible, on agrée, narda, de ce qui nous est arrivé. C'est une chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est une chose qui est quoi? Qui est conseillée. Que la personne agrée et dise par exemple la doua, raditu billahi rabban, par exemple, si elle dit ça. Ce n'est pas interdit de dire cette doua. Mais il y a des doua spécialement qui nous aident à enlever le chagrin, à l'éloigner. comme la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshi al-azim, la ilaha illallah rabbul samawati rabbul ardi rabbul arshi al-karim. Et comme l'autre qui est très connu, attendez, je ne sais pas comment qui commence, où il y a au milieu, Allahumma as'aluka bi kulli 'ilm. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتي ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك jusqu'à la fin du hadith. On doit faire, يعني dire beaucoup d'invocations pour que, يعني ça s'apaise un peu et pour que la tristesse, يعني parte de nous, بإذن الله عز وجل. Et sache que, inshallah ta'ala, en ayant une grosse épreuve ou une épreuve, tu es toujours dans l'adoration et tu as toujours des récompenses en patientant et en se disant que Allah Ta'ala sûrement, malgré tout cela, ne me veut que du bien. Hein, et que la personne doit même dire que je mérite plus que cela. Je mérite plus que cela si Allah Ta'ala voulait me châtier d'après les fautes que j'ai faites. Je mérite plus que cela. Mais, Alhamdoulilah, je souhaite avoir, j'espère avoir beaucoup de récompenses demain quand je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je ne suis qu'un serviteur d'Allah ta'ala et que naam, c'est pas moi qui commande, c'est lui qui fait de moi ce qu'il veut. Quand il me donne des choses qui me plaisent, je dis alhamdoulillah. Quand il me donne des choses pareilles, je dis alhamdoulillah ala kulli hal et je patiente bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, je dis à ceux qui sont présents avec nous naam, que yani, le frère muslim alhamdoulillah, quand il vous dit que yani, juste une question et qu'il dit que la question doit être dans la aqidah, etc., que yani, s'il ne dit pas comme ça, il ne fait pas comme ça, naam, on sera noyé naam, dans des questions qui n'ont rien à voir avec la aqidah et on sera noyé. Naam, et lui, il ne fait que ce que moi je lui ai dit, car c'est moi qui lui dis de ne pas accepter des questions qui ne sont pas dans la aqidah et de ne pas yani, accepter des choses hors sujet pour permettre aux gens yani, de comprendre par exemple le dars, le cours, et de poser la question sur le cours et de laisser les autres questions pour la fois passée. Donc tout ce qu'il fait, yani, c'est moi qui en principe suis derrière lui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le frère Abdullah 15, il a la kehna, écris-moi numéro 1. Frère Abdullah 15, il a la kehna, écris-nous numéro 1. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Abdullah 15, tu n'es pas là. Taïb. Attendez, je vais voir dans la fin de liste. Une seconde. Non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous rencontre mercredi, Bidna Subhanahu wa Azzawajal. Jazakumullahu khairan pour votre pour avoir assisté. Et barakallahu fikoum. Et que Allah Azzawajal nous aide, nous guérisse, nous ouvre nos poitrines, nous rapproche vers lui et fasse de nous des pieux et des gens sincères. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.